programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Daniel Baudin nous parlera de sport dans sa chronique Sport et Financé. On apprendra plein de choses dans le segment éducatif, c'est un fait, et plein d'autres affaires dans son foot palmarès. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis, en ce lundi 12 décembre 2016, on est à 136 jours de la fin de l'année scolaire. Autant dire, d'ici aussi, fois 3 en bien, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. C'est Tania, ça va? Ça va très bien, oui. Toi? Première journée de grosse neige. Oui, exactement. Surtout, faites attention sur les routes. Je sais que toi, t'as pas de voiture. Non. Tu vas pouvoir dire la situation à pied. Oui. Mais sur les routes, présentement, c'est un, extrêmement glissant. Deux, si vous voulez faire de la drift, c'est comme le temps parfait. Oui. Mais on voit absolument rien. Donc, faites attention aussi parce que c'est, vous voyez même pas les lignes par terre. Il y en a pas, en fait. Sur le bulletin à pied aujourd'hui, ça va quand même bien. Il fait pas trop froid. Je te dirais que je suis sorti sans sucre ni mitaine. Mm-hmm. J'étais bien correct. Okay. Les trottoirs commencent à se faire un petit peu. J'ai croisé le gars qui faisait les trottoirs devant chez nous. Oui. Et bulletin autobus. Les autobus à 7h15 étaient exactement à l'heure. Okay. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est le début de la journée et que ça va empirer avec le temps. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà. C'était le bulletin complet des différents moyens de transport. Merci. Voilà. Aujourd'hui, l'émission, on a Sport et Philosophie, ta chronique qui s'en vient plus tard. Tu vas nous parler de sport. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, en fait, Mathieu, on est comme dans le dernier sprint de fin de session pour la plupart des athlètes des Patriotes de l'UQTR. Donc, il n'y a eu absolument aucune compétition au niveau de nos athlètes universitaires. Certainement, on va faire le tour de ce qui s'est passé du côté du Blizzard de Trois-Rivières et aussi du Climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine. Mais sinon, je vais vous parler peut-être de deux nouveaux sports. Un qu'on connaît à cause qu'il y a une discipline universitaire qui est comme ça, mais qui a fait jaser dans les derniers jours. Et une autre qui est plutôt loufoque. Ah, eh bien, c'est dans Sport et Filoché vers les 8h30. Autour de ça, normalement, on aurait eu Alassania Couilly. Elle va faire sa chronique demain à la place. On était supposé même échanger nos chroniqueurs comme un petit principe concept cute avec David Ferron qui aurait pris sa place aujourd'hui. Finalement, David ne peut pas être là. Donc aujourd'hui, on va seulement faire du site un fait. Et dans quelques instants, son foutu palmarès. Donc c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. Assez chillax, comme on dirait. Mm-hmm. Comme nous dirait Catherine Durand dans sa chanson « Première gelée ». Pour commencer l'émission à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Mon cœur est à l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium. À demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs, refaire le tour du cadran, pouvoir tout ralentir, voir à l'avance l'accident, refuser de partir, laisser la première gelée, Catherine Durand, une chanson qui va très bien avec la température ce matin. Tu vois pourquoi on l'a choisi. Et voilà. Mm-hmm. Mais non, c'est son foutu palmarès. La chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, j'ai choisi vraiment des sujets très, très précis. J'ai choisi une petite thématique des fêtes, Tania. Ouh. Ça va faire changement. Je vais vous présenter dans l'ordre, et on a le temps aujourd'hui, donc je pense que je vais tous les faire. Je vais vous présenter plus tard 10 surprises des dangers qu'on peut vivre en installant des décorations des fêtes. Mm-hmm. Je vais avoir des façons de baisser votre facture d'électricité l'hiver. Okay. Je vais avoir une liste d'étiquettes des fêtes, tu sais, la bonne étiquette quand tu fais les soirées de Noël. Ouais, hein? Ça, on aime ça. Mais on va commencer par des secrets des fenêtres de Noël dans les magasins. OK. Donc, des designers de fenêtres de magasins, 11 de ces secrets derrière le ray, là. Donc, on voit tout le temps dans les magasins des vitrines, hein, avec des décorations. On se demande, tu sais, peut-être comment les designers choisissent qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Donc, on va en parler dans cette liste pour commencer. Chaque vitrine de Noël a une raison d'être. Hein? Les vitrines de Noël sont supposées vous faire ressentir quelque chose, nous dit Jacques Rosas. C'est un artiste basé à New York, fondateur et président directeur général de Jacques Rosas, où il fait des vitrines, des fêtes dans des magasins comme Godiva, Elizabeth Arden et Bed Bath & Beyond. Il dit que lorsqu'il travaille sur une vitrine, il demande la personnalité du magasin. Il ne la demande pas au magasin, j'imagine. C'est trop. Au gérant, mettons. Leur décoration préférée, leur tradition et plus. Tout ça commence, bien sûr, avec ce qu'ils vendent. Donc, ils essaient de mettre quelque chose de nostalgique dans la vitrine. Ils trouvent que la partie la plus magique des fêtes, c'est la nostalgie. Donc, il faut être un petit peu vieillot. Voilà. Donc, l'an dernier, il a fait des vitrines avec des bas de Noël faits à la main, de vieilles décorations et un vrai train. Oh. Vous n'allez pas voir beaucoup d'arbres de Noël dans les vitrines de magasins. En tout cas, pas de vrais arbres de Noël, selon Rosas. Habituellement, les vitrines sont très, très chaudes et sèches. Donc, les arbres sécheraient et, bien sûr, mourraient. Ils prendraient aussi en feu parce qu'il y avait plusieurs nouvelles bâtisses. Donc, c'est pour ça que plusieurs nouvelles bâtisses ne les utilisent pas. Même si ça créerait, en fait, un bel environnement de Noël, on utilise de faux arbres. Vous verrez pas non plus de vrais produits. Les vitrines du magasin, pendant l'année, sont supposées vendre de vrais produits. Ce moment-ci de l'année, c'est une question de divertissement, nous dit David Spaeth, le PDG de Spaeth Design. Donc, il travaille pour Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue, très connu, Bloomingdale's, Tiffany & Company et Bergdorf Goodman. Donc, vous allez voir certains produits, certains vrais produits, oui, dans certaines vitrines, mais c'est pas le moment de séduire les clients avec voyons. Voilà, aïe, allô. On ne met pas de vrais vêtements, voilà. On ne met pas de vêtements dans les vitrines. C'est ce que ça dit ici? Oui. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Ensuite, vous allez voir des lumières. Oh, les lumières, oui, attirent les gens dans, mais les, oui, vitrines. Ben oui. Ce qui fait ressortir le produit, mais vous pourriez être surpris qu'il faut très peu de lumière pour vraiment rendre ça impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est en métro, en fait, les reflets vont jouer des tours aux spectateurs et vous n'allez pas voir d'autre chose que les lumières. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Elle dit qu'il faut bien placer les lumières pour qu'elles rebondissent les unes sur les autres. Roses aussi utilise beaucoup de bois, de fibres de verre, de papier, de plastique pour créer ces scènes. Il dit que vous allez voir aussi, vous ne serez pas surpris de voir des Light Bright, donc le vieux jouet, des bâtons à café, même de la taxidermie, des animaux empaillés. D'accord. Tout ce qui crée une belle vitrine des fêtes. Ensuite, il faut prévoir à l'avance. Lorsque les fêtes terminent, les designers ne font que commencer le design de l'année suivante, dit Michael Bednarck, le créateur de Bednarck Studios, qui est un studio de fabrication basé à Brooklyn, qui est responsable pour les vitrines de Macy's à travers le pays aux États-Unis. Le design commence en janvier et en mars, les idées sont déjà toutes prêtes. Ça prend 2 mois de plus pour vraiment tout créer, et les mois d'été sont utilisés pour fabriquer les éléments physiques de l'installation, et l'installation commence avant l'Halloween, vers la mi-octobre, dit Bednarck. Mi-octobre. Ouais. Ils ont des habitudes de travail qui sont comparables aux vampires. Oh, OK. Peut-être vous avez-vous déjà demandé comment les vitrines des fêtes pop-up comme ça, comme par magie. Eh bien, c'est parce que les artistes travaillent la nuit pour les installer, pour qu'ils apparaissent le matin. L'installation, donc, peut prendre entre 6 et 8 heures. Ils doivent travailler comme des sorciers. Les vitrines, les fenêtres plus intenses peuvent prendre plusieurs semaines à installer. Une vitrine normale, ça prend la nuit, mais l'équipe qui travaille chez Macy's les construit à l'intérieur du magasin. Il y a même une fausse fenêtre qui mène dans chaque magasin Macy's, remplie de choses. Et ils vont produire ça. Ils vont produire à l'extérieur avec de fausses fenêtres qui vont mener vers l'intérieur. Genre, on va construire à l'intérieur pour s'assurer que tout fit. Et après ça, on amène ça dans la vitrine. Et quand ça fonctionne, donc c'est ça, ça peut prendre 3 semaines pour l'installer dans le vrai magasin. Wow. De fausses vitrines dans le magasin pour les créer, on se comprend. Ensuite, l'artiste touche à chaque lumière. La raison pour laquelle les vitrines de magasins sont aussi belles pendant les fêtes, c'est parce que les designers portent vraiment attention aux détails. Quand on décore un arbre, disent-ils, ou qu'on fait les lumières et tout le reste, le secret est de toucher et ajuster chaque branche, chaque lumière et tout positionner pour que tout soit individuellement parfait. C'est le secret. Lorsque la saison est terminée, habituellement, on jette tout ce qu'il y avait dans la vitrine. Non! Certains magasins vont réutiliser les décorations à l'intérieur du magasin, mais plusieurs vont les jeter parce que le décor est tellement unique. Dans le fond, ils ne veulent pas porter. C'est comme porter le même habit, le même costume 2 jours de suite. C'est pour ça qu'on fait pas ça. Les fêtes ne sont pas... parce que c'est comme la saison de les fêtes, là. C'est pas la seule saison très occupée. On aime bien les vitrines de Noël, mais il y en a d'autres. Les artistes sont occupés toute l'année. En plus de faire des vitrines pour chaque saison, ils vont aussi décorer des salles de montres. Ils vont faire des trade shows, tu sais, les démonstrations de produits. Là. Oui. Et ils vont créer des designs aussi pour des émissions de télé, pour des lancements de produits. Dans le studio de Roses, ils ont environ 7 500 pieds carrés à utiliser. Ils font des fausses vitrines de magasins ou des expériences marketing. Par exemple, une compagnie de yoga pourrait engager Roses pour utiliser leur studio pour construire un arrière-plan, un paysage, un environnement pour leur lancement de yogourt. La compagnie ensuite inviterait les membres du média dans la pièce où ils pourraient prendre des photos avec l'environnement yogourt derrière. Et puis bon, ils essaient d'inspirer les gens. Si vous voulez imiter le look, vous devriez sortir votre chéquier parce que ça va être très cher. Pour engager un artiste de la vitrine professionnelle pour vos fenêtres des fêtes, vous pourriez payer entre 40 000 et 100 000 $ par fenêtre, dépendant du nombre de détails et du travail que ça va prendre. Ce genre de magie-là n'est pas peu cher. Wow. Voilà. C'était des secrets des vitrines de Noël maintenant. Continuons avec 10 dangers surprenants des décorations des fêtes. Peut-être que ces gens-là ont vécu ce genre de choses. Peut-être. Donc faites attention en installant vos décorations cette année, si ce n'est pas déjà fait. En moyenne, plus de 14 000 personnes annuellement sont traitées en urgence pour une blessure causée par les décorations des fêtes. Mon Dieu. On commence par les chutes. Plus d'un tiers de toutes les blessures reliées aux décorations ont rapport avec des chutes. Vous devriez donc prendre les précautions qu'il faut avant de grimper sur votre toit, dont l'inspection de l'échelle, trouver un spotter comme au gym. Quelqu'un pour comme sourire. Au gym, pareil comme au gym. Ouais. Et vérifier bien sûr la météo. Peut-être qu'aujourd'hui n'est pas le meilleur moment pour le faire. C'est vrai. Non. Non. Ensuite, faites pas ça aujourd'hui. Pas le moment. Les fils électriques. Hein, le mauvais genre d'extension, une prise qui n'est pas certifiée ou un circuit électrique surchargé mènent tous à des risques de choc électrique et de feu. Même chose pour les cordons, les fils électriques qui seraient maganés ou encore des lumières qui fonctionnent mal. Ensuite, les feux dans les arbres de Noël. Pour empêcher les feux dans les arbres de Noël, il faut garder votre arbre, bien sûr, avec juste assez d'eau et aussi à au moins 3 pieds des sources de chaleur qu'il faut garder. Parlant d'arbres de Noël, les arbres qui tombent. Chaque année, environ 1000 personnes sont blessées par leurs arbres, normalement en décorant les branches les plus élevées, les plus hautes. Assurez-vous que l'arbre soit bien sécurisé et que votre socle soit bien solide. Et sinon, utilisez un petit escabeau ou un petit step, là, comme on utilise des fois pour décorer. Ensuite, les coupures. Chaque saison des fêtes, les gens finissent par avoir la rage des emballages, comme on appelle, et la frustration peut mener à des coupures et du sang partout, sur votre main, par exemple. Ensuite, l'empoisonnement accidentel. L'empoisonnement accidentel, oui. Ben oui, rien de moins. Quand tu mets tes lumières là, dans l'arbre, tu sais, goûter à l'arbre. Ça pourrait être le gui. Ah. Du vrai gui et les autres plantes saisonnières. Mais ça se mange pas du gui. Non, mais ça peut être toxique pour les enfants et pour les animaux de compagnie, Tania. Ben c'est ça, mets-toi pas ça dans la bouche. Non, mais les enfants, tu leur diras pas. T'es pas censé l'accrocher au plafond, et de moins, les enfants, ils sont pas censés y toucher. Effectivement. You are correct, sir. Merci. Ensuite, les blessures causées par les guirlandes. Suspendre, oui, des lumières et des guirlandes peut être un risque d'étranglement pour les enfants et pour les animaux de compagnie, alors que les petites ficelles dorées brillantes là, et les rubans peuvent causer un traumatisme intestinal qui pourrait être fatal pour vos animaux de compagnie. Ah, oh, ouais. Les petites guirlandes, les petits copeaux de brillants, là. Ensuite, les feux de chandelles qui causent en moyenne les chandelles 12 000 feux par année. À Noël, la veille de Noël et le jour du Nouvel An sont les trois journées où il y a le plus de feux de chandelles. Ensuite, l'étouffement. Les petites décorations peuvent faire s'étouffer les enfants, donc il faut les placer plus haut dans l'arbre. Évidemment, si vous avez des animaux de compagnie, ils vont les faire tomber. Donc peut-être juste ne pas en mettre. En effet. Les blessures par rapport à la neige artificielle, tiens. La neige artificielle, le flocking qu'on appelle, peuvent causer une irritation au poumon et stimuler les attaques d'asthme. C'est aussi quelque chose de poison pour les animaux de compagnie. Donc faites attention à ça. C'est Allstate, la compagnie d'assurance, qui nous a envoyé cette liste via mentalfloss.com. Ensuite, 10 façons de baisser votre facture d'électricité cet hiver. J'ai déménagé en juin dernier et j'ai été surpris. Oui. Par le prix de l'électricité. C'est la première fois que je paye l'électricité de ma poche, genre pas dans le loyer, mettons. C'est pas déjà éclairé. Exactement. J'ai été bien surpris et j'ai commencé à mettre du calfeutrage autour de mes fenêtres, mais j'ai pas encore, et tu me croiras peut-être pas, on est rendu au mois de décembre, j'ai pas encore acheté de pôle à rideaux. Hein? Dans mon appartement. Ben là, il fait clair vraiment tout le temps. C'est ça, et le froid rentre. Oui, c'est pour ça que cette liste-là, oui, va nous aider à économiser de l'argent, moi, en premier. Donc, la météo, oui, fait quand même changement de ce qu'on a vécu avant et ça va assez rapidement d'un bout à l'autre du thermomètre en ce moment. Donc, il faut commencer en emballant vos fenêtres, bien sûr, on est calfeutrant. Donc, l'emballage plastique, l'espèce de cellophane, qui est pas si cher que ça, une bonne alternative pour bloquer vos fenêtres où il y a du vent. Ou juste Thomas mettre ce qu'on appelle du mono. Du mono, moi, j'ai choisi le mono, je trouvais ça moins laid. C'est Thomas Baker, le rédacteur du côté technologie chez This Old House Magazine, qui nous suggère ça. Il suggère d'acheter un ensemble comme le 3M Clear Plastic Insulator Kit, qui coûte genre 5-10$ environ. Ça va être pas mal facile. On dit, c'est le deuxième, et je l'ai dit tantôt, ajouter des rideaux à vos fenêtres peut réduire les coûts de 10% environ, selon le U.S. Department of Energy. Je savais pas. Ouais. Si vous optez pour des rideaux qui vont jusqu'au plancher, vous pouvez les attacher au mur avec du velcro ou des aimants. Et ça va justement empêcher, ça va garder la chaleur encore plus de 25%, disons, les attacher au mur en bas. Parce que j'ai vu dans ma chambre, j'ai le seul rideau que j'ai dans ma chambre. Ah, OK, ben et, oui. Et je vois le rideau... Vanté. C'est ça. Vanté, mettons qu'il est bombé, torse-bombé, à cause de la chaleur qui sort des calorifères. Bref, la clé est d'ouvrir les rideaux lorsque le soleil brille pour laisser la chaleur entrer et ensuite les fermer quand le soleil se couche. Ensuite, ça s'applique plus à ceux qui ont une maison, mais de sceller le grenier. 68% de la perte de chaleur est par le plafond dans le grenier. On perd 20% seulement à travers les murs et 10% par les fenêtres et par les portes, nous dit Anthony Stonis, président de Building Energy Experts, basé à Crystal Lake en Illinois. C'est pour ça que sceller le grenier va être un meilleur investissement pour vous. Ensuite... les cadres de fenêtres, c'est typiquement pas la fenêtre elle-même qui n'est pas éco-énergétique, mais la façon qu'elle est installée. Donc on dit de mettre, comme tu as dit, du mono autour des fenêtres l'hiver, même si vous mettez du plastique. Ensuite, de choisir des électroménagers qui sont Energy Star compliant. Plus de la moitié de la consommation d'énergie dans une maison est due au chauffage, au refroidissement, donc l'air climatisé, et chauffé à l'eau, entre autres. Dit David Lee, qui est un Residential Program Supervisor pour Building Technologies Officer du Department of Energy aux États-Unis. C'est beaucoup de titres. Ben donc, oui. Lee nous recommande de focusser sur ces trois choses-là pour couper dans la facture d'électricité. Vous devriez commencer en remplaçant un à un peut-être vos électroménagers avec des électroménagers plus efficaces avec le petit logo de Energy Star. Ensuite, de faire un audit. J'ai reçu un petit papier par la poste disant qu'ils nous fournissent un audit qui va venir visiter chez toi pour te conseiller qu'est-ce que tu pourrais faire pour moins payer d'électricité. Ça existe, j'ai reçu la brochure. Faudrait que je poste la photo quelque part sur Facebook. Mais bref, un audit pourrait vous aider à comprendre l'utilisation énergétique de votre maison. Donc, identifier les problèmes. Vérifier ça donc dans votre région. Vous pourriez économiser entre 20 et 30 % de votre facture d'électricité. Ensuite, encore une fois, pour les gens qui ont une maison, plus, c'est de sceller votre fondation. C'est probablement pas une chose que vous allez faire vous-même, mais les propriétaires de maison et les locataires aussi peuvent faire demander, de faire sceller leur fondation, leur grenier, comme on disait tantôt, la plomberie, les entrées d'électricité pour prévenir les fuites d'air, qu'elles soient chaudes ou froides. Dans les climats plus nordiques, essayer de l'isolation serait une bonne chose, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même, donc demander de l'aide. Ensuite, pour empêcher les fuites d'air autour de prises de courant. Ah, d'accord. Ouais, peut-être que vous laissez l'air chaud sortir par les prises qui mènent vers votre mur extérieur, selon Baker. Donc, on peut réparer ça en utilisant de la mousse à gasket. Oui. Ouais, à l'arrière de votre plaque d'électricité pour remplir le réceptacle. Sinon, vous pourriez aussi remplir les prises avec des petits couverts là, qu'on utilise pour les enfants, entre autres. Oui. Ouais. Ensuite, baissez le thermostat. Pour chaque degré que vous baissez pendant 8 heures, vous allez économiser 1% sur votre facture d'électricité. Donc, baissez votre chauffage quand vous n'êtes pas là ou encore quand vous dormez sous les couvertures bien chaudes. C'est tellement fun de dormir dans une pièce où il fait froid, au-dessus des grosses couvertures. T'aimes pas ça, toi? Ça dépend à qui, hein? Ouais. C'est ça, donc c'est pour votre température à la maison. On dit que ça s'applique pas à certains trucs de... Bon, je connais pas le reste des termes de d'électricité, donc je vais laisser tomber ça. Mais pour terminer, de s'acheter un thermostat intelligent. Donc un système intelligent comme un Nest ou un Honeywell ou peu importe va reconnaître vos patterns à chaque jour. Il va automatiquement baisser la température lorsque vous êtes pas à la maison. Donc on appelle ça des thermostats intelligents. Le résultat, donc vous allez économiser beaucoup selon Nest. En moyenne, une personne moyenne avec un thermostat Nest va économiser entre 10 et 12% de leur facture annuelle et 15% sur l'air climatisé, ce qui veut dire que le système va se payer tout seul en 2 ans. C'est merveilleux. Intéressant. Continuons avec l'étiquette des fêtes. J'en avais parlé en début de chronique. J'allais vous parler de la façon de peut-être être un petit peu plus heureux et rendre les gens plus heureux autour de vous par la saison des fêtes. Les fêtes, c'est rempli de mines antipersonnelles, comme nous dit l'article de Mental Floss. Ça se pourrait que vous tombiez sur quelqu'un qui veut parler de politique absolument, puis ça pourrait faire un froid. Hein? Ah, vous savez... Je comprends pas honnêtement pourquoi ça ferait un froid, là, parce qu'en théorie, on devrait être capable d'en parler. Ouais, mais il y a des gens qui sont moins ouverts. S'entretuer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je comprends pas pourquoi les gens insistent à en parler s'ils savent qu'ils ont un tempérament qui n'est pas capable de gérer c'est ça. Bref, sinon, il y a toujours évidemment de ne pas redonner un cadeau que vous avez déjà reçu de quelqu'un de la famille. Ça pourrait causer un froid. Hein? Ouais. Ou encore insulter le gâteau aux fruits de votre matante. Ça pourrait arriver. Donc, on a chez mentalfloss.com parlé à Joy Weaver, l'auteur de How to be socially savvy in all situations, pour être certain de bien être gentil et de rendre les autres gentils. Pour commencer, le premier truc, c'est de répondre aux invitations. Toutes les invitations et rapidement. Si vous voulez être correct, vous ne devriez pas appeler vos amis. Vous devriez pas... on dit que le répondez, s'il vous plaît, est important. Donc, on doit répondre aux demandes et non pas les éviter ou les remettre à plus tard. Voilà. Ensuite, se présenter à l'heure. Si c'est une fête avec une heure de début, vous devriez arriver à l'heure. Si c'est une situation où vous pouvez arriver n'importe quand, vous devriez arriver à peu près à une heure où vous croyez que les autres devraient être arrivés. Bon. Mm-hmm. Si le party commence à 7h et que vous faites des courses et que vous arrivez à 8h, ben ça va être un petit peu plate. Bon. Et aussi, on devrait permettre, lorsque vous arrivez au party, attendre un petit peu avant de sonner la sonnette. Pour permettre aux gens qui vous ont vu arriver de se préparer à ouvrir la porte. Sinon, vous allez les stresser. Okay? Oh boy, OK. Ouais. Ensuite, on dit de laisser tomber les fleurs, mais de ne pas arriver les mains vides. S'il y a plusieurs hôtes à votre party, vous devriez amener quelque chose qui va aller avec la maison qui vous accueille. D'accord. OK. On devrait penser à ça avant de le faire, nous dit-elle. On va toujours donner quelque chose qu'ils vont aimer. On ne devrait pas apporter de fleurs, à moins qu'on amène un vase aussi, sinon ça va être compliqué. Ça va causer toute une commotion. Toute une commotion. Oui, oui, oui. Aussi, on pourrait amener du vin. Oui, clairement. Moi, si je suis hôte, c'est ce que je veux. C'est ça. Ça dit ici que le menu a été déterminé, que les boissons ont été sélectionnées par l'hôte. Donc, si vous amenez de la nourriture ou du champagne, vous devriez savoir qu'ils devraient les garder pour eux plus tard, si le menu a déjà été préparé. Oui. S'il y a déjà du vin fourni. On devrait lui dire, le vin, c'est pour toi, garde-le pour plus tard. Oui, exactement. Ouvre-le c'est ton cadeau d'hôte. Voilà. Ensuite, on continue avec savoir quand dire merci. Ce serait bien de leur envoyer une note écrite. Après avoir été invité à un party, nous dit-on pour avoir de la classe. Ah, OK, ouais. Si vous êtes l'hôte, vous n'avez pas à écrire aux gens « merci d'être venu », mais c'est les gens qui sont venus qui devraient dire « merci de nous avoir invités ». C'est pas fou. Ouais. Tu sais, de faire un petit retour. Ouais. On dit qu'on n'est pas obligé de donner des merci non plus pour les cadeaux d'hôtesse ou d'autres qu'on a reçus. Hein? C'est la seule fois, dit-on, où t'as pas besoin d'écrire un remerciement. Parce que c'est comme dire merci pour un remerciement et ça pourrait continuer sans fin. Mm-hmm. Ce qui a du sens quand même. Ensuite, on devrait pas sauter le party de bureau. Jamais. Même si c'est juste une salle de conférence qui a été remplie de craquelins et de vin pas cher, on devrait quand même y aller, nous dit-on. Ne pas y aller, ça montre un manque de respect pour votre compagnie, votre superviseur, vos collègues, et ça pourrait tuer votre carrière. Hey boy! Et pas les cancers aussi. Ensuite, vous... D'accord. Ouais, on est toujours à la liste de l'étiquette des fêtes ici. Ensuite, on dit qu'on devrait pas ambitionner en devenant le life of the party, comme on dit. Oui, non, ça c'est vrai. Ouais, donc peut-être que vous savez danser, mais peut-être qu'aller danser sur le bar et vous pour essayer d'épater la galerie pourrait ne pas être une bonne chose. Ne pas manger tous les fromages non plus, tu sais, peut-être, ou ne pas boire tout le vin. Voilà. Ensuite... Partagez. Laissez les autres en prendre un peu. Ensuite, vous arrangez pour que ce soit plus facile pour vos supérieurs de vous rencontrer. Si votre bureau il y a tellement de gens que tout le monde aurait besoin d'une étiquette de nom là, parce qu'on se connaît pas, vous devriez placer votre étiquette de nom très haut du côté droit de votre corps pour que votre patron vous reconnaisse, vous voit votre nom. Quand vous allez serrer la main, votre épaule droite devrait avancer, donc ça va être parfait pour que votre nom soit dans la face de votre superviseur. Hein? Pas pire, hein? Vous devriez jamais serrer les mains assis. C'est une question de respect. Ça, c'est vrai, par exemple. J'avais jamais entendu ça. Eh bien. Ensuite, tiens, on vous dit de parler un petit peu politique, mais pas trop. Donc, parlez trop de votre... Oui, parlez trop de votre travail je sais pas, de vos enfants pour être quelque chose qui est intéressant pour vous, mais moins pour les autres. Donc, parlez de quelque chose d'intéressant, d'événement dans l'actualité, quelque chose d'unique et de différent. Ensuite, lorsque vous êtes l'hôte, vous ne devriez pas oublier que vous avez un travail à faire. Et c'est pas juste de remplir votre bol de chips. On dit que c'est une bonne chose de se mettre debout à la porte pour accueillir chaque invité alors qu'ils arrivent. My God. Et de répéter le processus à la fermeture, promenant chaque invité jusqu'à la porte pour faire un bref au revoir. Ah, OK. Il faut pas trop faire une longue conversation à la porte, ça c'est pour les invités. Voilà. Ensuite, devenir maître de l'art des cartes des fêtes. Si vous voulez être formel, techniquement, vous ne devriez pas envoyer de cartes... en général, c'est ça? Okay. Non, attends un petit peu. Non, vous devriez. Ok. Vous ne devriez pas envoyer de cartes à Colin. Ça devient compliqué parce que c'est un petit peu plus anglophone. C'est, mettons, on ne devrait pas envoyer une carte à Madame, mettons ici Joy Weaver dans ce cas-là, parce que Madame voudrait dire qu'elle est mariée à une autre personne. C'est ça. Donc il faut l'appeler juste Joy Weaver, non pas Madame Joy Weaver. La vraie forme, en tant que telle, ce serait soit Madame le nom du mari. Ou encore Mademoiselle Weaver. Oh boy. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Ne jamais utiliser d'excuses comme « mon chien a mangé votre cadeau ». Ben là, non. Si, mettons, quelqu'un vous présente votre cadeau, mettons, vous êtes collègue de bureau et quelqu'un vous donne un cadeau et que vous saviez pas que vous deviez en acheter à l'autre, vous devriez pas mentir oublier et dire que vous avez oublié votre cadeau à la maison. Vous devriez simplement avoir la grâce de dire que, que je veux votre bonheur. Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Merci. Et je souhaite que ton bonheur. Si tu veux des surprises avec quelque chose plus tard, tu peux, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'évidemment, les cadeaux ne sont pas faits pour être réciproques nécessairement. C'est une question d'intention, comme on dit. Hein? Voilà. C'était vraiment une liste particulière, celle-là. Particulière. Très particulière. Pas sûr que j'ai envie de finir avec cette liste-là. Mais bon, hein? Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, ben Caroline, hein? On fera d'autres choses. Pas chaud pareil. Voilà, on va prendre une pause maintenant. Dans quelques instants, ce sera la chronique. Qu'est-ce qu'il y a à 8h tantôt? Qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu C'est un fait dans quelques instants. Après ça, sport et filoché. Après ça, d'autres affaires. Pour l'instant, une pièce de Dearly Beloved. Voici I Tried to Leave. Comme dans un party, il va falloir se mettre sur le bord de la porte puis dire au revoir à tout le monde. Ça va être long. Je ferai jamais de party si c'est ce qu'il faut que je fasse. Non, c'est ça. Hein? Tout ensemble, la truc. Allez, vous, 89 FM. I Tried to Leave par Dearly Beloved à Assemblage Requis. Au retour, c'est un fait. Wouhou! Ouh! Yeah. Hey. Ah. Oh, ah. Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou! 89.1. Sometimes. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Requis ce lundi 12 décembre 2016 et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ça, 12-12. 12-12. 1-2-1-2. 1-6. Donc, c'est émission matinale en pièces détachées qui continue. On a plein de contenu à vous proposer, Tania et moi, aujourd'hui. On va y aller en ping-pong style aujourd'hui. Ok, oui. C'est toujours, par contre, à moi avant de passer à ta chronique sport et filoché. Donc, allons-y avec un petit peu de C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est le petit lutin qui chantait. Hein? C'est la première fois que je réussis à la chanter. Ouais, mais tu l'as pas chanté avec ta propre voix, mais ok. Non. Non. C'est pas grave, je te pardonne. C'est sûr. C'est le lutin du Père Noël. C'est ça, merci. Les merci. Pour commencer, on va emballer des cadeaux rapidement en utilisant une méthode de magasin, de grand magasin japonais. Est-ce que tu as vu cette vidéo passer sur Internet? Non. Ouais. Après avoir passé plein de temps à trouver des cadeaux pour tout le monde, vous allez vous embarrer sûrement dans une pièce pour emballer ça. Je sais que moi, ça me prend énormément de temps habituellement. Ouais. Donc, mais souvent. Dans ça, là, tu sais ce que tu fais, Mathieu? Sac cadeau. Tu te prends une bouteille de vin. OK. Et là, tu t'enfermes pour emballer tes trucs. Je pensais t'emballer une bouteille de vin comme cadeau, c'est plus facile d'emballer. Non. Ah. Tu fais ça avec un verre ou une bouteille, tout dépendamment de comment vous buvez votre vin. Une paille. Mais, hein? Oui, une paille. Puis là, tu prends ça relax. Tu le fais de façon relax. J'aurais jamais pensé à ça. C'est merveilleux. Bref, moi, j'aime beaucoup la technique du sac cadeau et j'ai découvert qu'il y a des sacs cadeaux pas chers. Parce que tu sais, les sacs cadeaux chers d'habitude, là. C'est tout ce qu'il y a d'habitude des sacs cadeaux chers. C'est vrai. Sacs cadeaux, oui. Si tu les prends pas chez Dolo, mais si tu les prends chez Dolo, sont des fois moins beaux. Mais des fois, t'en veux des plus beaux. Bref. Tout à fait, je suis d'accord. C'est compliqué. Bref, inspiré par une vidéo donc une vidéo d'un homme qui emballe des cadeaux rapidement au Japon. C'est dans les magasins Takashi Maya. L'utilisateur de YouTube Beat the Bush a créé un didacticiel étape par étape pour emballer des cadeaux comme un pro. Après avoir disséqué cette vidéo-là, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, on va, avec un petit peu de pratique, devenir un petit peu plus efficace comme un lutin du Père Noël. Donc, il a... Ce gars-là dit qu'il a rencontré un préposé de magasin très rapide chez Takashi Maya qui envoyait des cadeaux de manière étrange en diagonale en moins de 30 secondes. Là, je suis en train de lire les sous-titres de la vidéo. J'ai défait l'emballage pour voir comment il avait procédé et je vais vous montrer, dit-il. D'accord. Peut-être même mettre du volume. Un petit peu de volume. Assurez-vous que votre morceau de papier est suffisamment grand pour emballer le cadeau. OK, donc on va prendre on va l'emballer un petit peu comme on ferait habituellement juste pour tester la longueur. Donc les côtés devraient être de la même longueur que la boîte et les autres côtés plus longs devraient passer par-dessus le dessus. C'est un peu difficile à expliquer visuellement. Vous placez votre cadeau au milieu et vous le tournez et vous laissez un petit espace à gauche de la diagonale. Là, ça sert absolument à rien de vous l'expliquer. Ouais, non, c'est ça. Parce que tu vois, moi, j'ai pas le vidéo qui fonctionne. Non. Puis j'écoute, puis je comprends rien. Ouais, c'est ça. Mais bref, il fait une petite diagonale sur un côté de la boîte et après ça, il va prendre comme un coin. Il va amener le coin par-dessus. Okay. C'est comme une façon de genre de plier avec ton index, un petit peu comme de l'origami ferré, ouais, en passant par-dessus le coin. Mais ça sert à rien de continuer de vous le dire, mais allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est pas super compliqué, mais ça prend un petit peu de temps pour l'apprendre. Il faut répéter jusqu'à temps que ça devienne tellement pratique que vous allez le faire en un clignement d'œil. C'est ça, clignement d'œil? Ouais. Oui. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. J'aime beaucoup sa façon de l'expliquer et la façon que la vidéo est montée aussi, qui répète l'option plusieurs fois. Donc, allez voir ça. Japan Gift Wrapping Hack Explained. L'article est le premier de la section C'est un fait dans les notes de l'émission, numéro 1037. Ensuite, toujours dans C'est un fait, toujours dans les articles un petit peu plus exhaustifs, on parle des jeunes enfants qui savent lorsque tu mens, selon les scientifiques. Mm-hmm. Ouais, les psychologues travaillent avec les jeunes enfants et ils disent, des psychologues qui travaillent avec les jeunes enfants disent qu'ils sont capables de reconnaître ces enfants-là lorsque quelqu'un fait semblant, lorsqu'il triche ou même lorsqu'il ment. C'est une recherche publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences. Les psychologues ont utilisé un test qui s'appelle le False Belief Task pour des tâches de faire à croire. Okay. Pour savoir si la personne, si une personne sait que l'autre personne a des pensées différentes des siennes. Donc, c'est un test classique où une histoire avec un protagoniste est incomplète ou imprécise, avec des informations qui sont pas super précises, et ils doivent choisir entre deux articles dans l'histoire. Avant que le protagoniste puisse agir, les psychologues demandent à la personne qui prend le test quelle chose ils pensent que le protagoniste va choisir, et c'est la personne qui prend le test réalise que leur idée est différente de celle du protagoniste, donc que le protagoniste a une fausse croyance, ils peuvent deviner que le protagoniste va faire la mauvaise décision. Donc les enfants qui avaient moins de 4 ans, en général, avaient un échec sur ce test-là. Okay. Les psychologues, généralement, voient ça comme une indication que les jeunes enfants ne comprennent pas les pensées ou les croyances des autres, mais en le faisant, ils avaient oublié un élément majeur, oui, que leur test dépendait de la capacité de la personne qui prend le test à comprendre la question et articuler une réponse correctement. Donc, c'est un test d'habileté cognitive qu'on appelle avec un biais inclus à l'intérieur. Un biais comme dans genre « t'es biaisé », tu comprends? Oui. Donc, chaque équipe de chercheurs qui reconnaissait ce problème-là ont décidé de faire un meilleur test. Donc, ils ont créé une version simplifiée avec des images et des questions un petit peu plus faciles. Ils ont amené 144 enfants âgés de 2 ans et demi. Le test simplifié, donc, il y avait une procédure de test, des questions qui étaient plus claires pour que les enfants puissent les comprendre. Ils pouvaient deviner donc que le protagoniste allait faire une erreur. Ils savaient que c'était pas que ses pensées n'étaient pas les mêmes que les leurs. Donc, c'est René Baillargeon de l'Université de l'Illinois qui a créé cette étude-là. Il s'est dit que lorsque la tâche était plus simple, même les enfants de 2 ans et demi réussissaient. Donc, ça dit que les enfants étaient assez intelligents pour comprendre. Et si les parents croient que les enfants ne... attends un petit peu, qu'est-ce que ça dit ici? J'ai vraiment de la misère aujourd'hui avec l'anglais. Je m'excuse. C'est correct, c'est parce que, premièrement, on est lundi. Oui. Deuxièmement, nos cerveaux sont à off. Complètement off, comme les vôtres. Oui, carrément. J'ai envie de sauter quelques articles plus longs pour me sauver de la tâche un petit peu. Ben, vas-y. ça va être pas pire, hein? Je pense que je vais en sauter une coupe. Ah si, on va écouter une chanson des fêtes écrite par un programme d'ordinateur. OK. Pour se laver un petit peu le cerveau. Les chansons des fêtes, tu sais, sont remplies de neige, sont remplies de feu. Oui. Et d'êtres chers rassemblés autour d'un arbre de Noël. Mm-hmm. Mais maintenant, l'intelligence artificielle entre dans nos vies et on devrait s'adapter à ça en ayant des chansons de Noël créées par l'intelligence artificielle. Hein? OK. Donc, c'est une belle chanson de l'Université de Toronto. Selon le Smithsonian, le musée, les scientifiques de l'université ont développé une intelligence artificielle capable de composer une chanson originale inspirée par une photo d'un arbre de Noël. Ouh! Ouais. Pourquoi pas? Donc, l'Université de Toronto est le plus récent groupe à avoir expérimenté avec l'intelligence artificielle. Et il y avait plutôt cette année, Sony qui avait partagé une chanson inspirée par les Beatles nommée Daddy's Car. Et il prévoit sortir un album complet de chansons créées par de l'intelligence artificielle en 2017. Donc, on va entendre cette chanson de Noël créée à partir d'une photo d'un arbre de Noël. Ça dure 1 minute, même pas. ça devrait être assez plaisant pour les oreilles. Beaucoup de choses pour décorer une pièce. L'arbre de Noël est rempli de fleurs. Je jure, c'est la veille de Noël de l'ordinateur. J'espère que c'est ce que tu dis. Le meilleur cadeau de Noël dans le monde est de se faire bénir. Okay. J'ai toujours été là pour le reste de nos vies. Mais je traduis mot à mot avec les temps de verbe et tout. Il y a 100 ans et une demi-heure, je suis heureuse de t'avoir rencontré. Oh boy. J'entends la musique qui vient du corridor. Ben oui. Un conte de fées. Un arbre de Noël. Je sais comment ça va vraiment plus haut quand elle chante ça. Il y a beaucoup et beaucoup et beaucoup de fleurs. Oh, ça finit là. Ah, OK, ça finit comme ça, le bing-bang. Il n'y a pas de finale. C'est bon, hein? Ah, c'est si plaisant dans les oreilles. Le son est pas très fort, mais j'espère que vous entendez. On dirait honnêtement la voix, mettons, d'une fille qui a joué dans High School Musical il y a comme... Ah, c'est méchant, c'est méchant. Mais non, mais dans les comédies musicales, ouais, t'as toujours celle qui va chanter super aiguë comparée aux autres. Ouais. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, effectivement. Bref, merci, cher. Je sais pas si t'as un nom, là, mais... ordinateur 342. Ouais. Mais ensuite, les enfants sourds qui visitent le Regency Mall, ce centre d'achat à Racine, dans le Wisconsin, cette année, vont avoir la chance de dire au Père Noël ce qu'ils veulent, littéralement et directement. Entrevue avec la station de nouvelles locale WQAD8, le Père Noël, qui parle le langage des signes, a expliqué que les enfants appréciaient l'idée de venir lui parler au Père Noël sans avoir à passer par un interprète, leurs parents, leurs frères, sœurs, pour interpréter. L'idée qu'un Père Noël soit capable de communiquer avec les enfants qui ont différents langages, bien sûr, devient de plus en plus populaire. L'an dernier, une vidéo du Père Noël qui allait avec le langage des signes avec une petite fille dans un centre d'achat de Millsborough en Angleterre est devenue virale. Le centre d'achat va encore avoir ce Père Noël qui fait des signes cette année. Et c'est pas un avantage seulement pour les enfants qui signent, ça peut aider à apprendre le langage des signes à d'autres gens. Donc, ils ne sont pas sourds eux-mêmes. Ah ouais? Pourquoi pas? Ensuite, tiens, le New York Times va imprimer une section complètement puzzle pour les fêtes. Oh, OK. Une édition à venir du New York Times Magazine va avoir plus d'espace dévoué au puzzle. L'édition du dimanche 18 décembre va inclure un puzzle spectaculaire, qui est une section complète, éditée entièrement par l'éditeur au casse-tête du New York Times, Will Shortz. C'est l'expert en mots croisés au pays. Lui et son équipe vont faire ça. Donc, les obsessifs du puzzle vont pouvoir jouer à plus de 30 différents jeux, dont des sudoku, des brain teasers et bien sûr des mots croisés. Et ça nous dit donc que Jake Silverstein, le rédacteur en chef, va avoir un petit... qui est un des plus grands, oui c'est ça, qui est un des plus dévoués des mots croisés. Il va y avoir un centerpiece, un peu comme dans les magazines, tu sais, dépliable. C'est un des plus grands mots croisés au monde. Ah, pas vrai? Ça dit le plus gros du Times. Ouh. C'est ça, le plus gros du temps, je m'excuse. C'est seulement disponible en imprimé, donc il va falloir s'abonner au journal, évidemment, pour pouvoir participer à ça. Ce sera pas sur leur version numérique. Ils ont aussi sorti, pour les amateurs de mots croisés en anglais, une application pour Android, le New York Times. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on y va avec... je vais en prendre des cours. Je vais vraiment checker la vie pour le reste. Attends un petit peu. Tiens, je vais vous en ouvrir un paquet de cours. C'est bon, ça? On y va avec ça ici. Donc, toujours, c'est un fait. On va commencer par un professeur, un enseignant de 8e année en Caroline du Nord. Oui. Le lien va s'ouvrir dans 3 secondes. OK. OK. Donc, un enseignant de 8e année en Caroline du Nord a installé des machines pour pédaler en dessous des bureaux pour que ses étudiants arrêtent de bouger. Mais en fait, plus continuent de bouger, mais arrêtent de bouger dans la classe, tu comprends? Les étudiants aiment ça parce que ça les tient en forme, ça les tient focussés. Et le professeur a dit que l'enseignante a dit qu'elle avait eu plus de travaux complétés et moins de devoirs ratés. Voilà, grâce à ça. Ensuite, en 2009, Bill Gates a donné une présentation sur les moustiques et le malaria. Après avoir expliqué comment la maladie était grave et comment c'était transmis via les moustiques, il a terminé sa présentation en relâchant un paquet de moustiques dans le public. Ah! Évidemment, pas les moustiques qui ont le malaria, okay. Mais il voulait faire peur au monde ou leur montrer que dans la vie, il y a des moustiques et les moustiques peuvent transmettre ces affaires-là. Donc, c'était en 2009. Pour montrer comment les outils de pierre peuvent être coupants, l'archéologue Dr. Adrian Hannes... Oui? Hannes H-A-N-N-U-S s'est fait faire une chirurgie avec des lames de pierre à la place de scalpel d'acier chirurgical. L'obsidien, qui est la substance la plus coupante connue par l'homme. Et c'est avec ça qu'il s'est fait faire son opération. On peut voir une photo à 5000 fois... comment dire... avec une loupe qui grossit à 5000 fois, voilà. La différence entre un scalpel d'acier chirurgical et d'obsidial de pierre sur assemblagerequis.com, c'est le pierre est complètement droite. Wow. Versus le scalpel normal en acier qui a des petites minuscules bosses. Ensuite, pour faire, parlant de choses coupantes, une épée avec le sang de vos ennemis. Avec le sang de nos ennemis. Fabriquer une épée avec le sang de vos ennemis, il faudrait tuer 359 personnes pour pouvoir extraire assez de fer du sang. Pour faire une longue épée. OK. C'est extraire le fer du utiliser sang. Le fer. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ensuite, un propriétaire allemand a jeté dehors ses locataires quand ils ont, éparpillé du surströmming, c'est un poisson fermenté, sur les escaliers. Le locataire a poursuivi, mais la cour a décidé en la faveur du propriétaire lorsqu'il a ouvert une canne de surströmming dans la cour. Et vous pouvez voir une vidéo de jeune homme en train de manger du surströmming, comment ça a l'air dégueulasse à l'odeur. Donc on peut comprendre que le propriétaire les a sacrés dehors. Le plus long mariage enregistré s'est terminé cette année. Karam Chan, okay. Ouais. Karam Chan est mort en Angleterre. Lui et sa femme étaient ensemble, mariés depuis 90 ans. 90? Wow! Ils se sont mariés à quel âge? Attends un petit peu. Ça dit pas l'âge de la personne. On va aller voir. Karam... Chan. Il devait avoir genre 95 ans, c'est quoi? Il avait 110 ans, donc c'était mariage de 20 ans. Ah, OK, pas si pire. C'est ça? Ouais, 90 ans, 110 ans, 20 ans, ouais. Winston Churchill Winston Churchill. Oui, qui a été sérieusement blessé à New York en 1931. Il a été frappé par une voiture en essayant de traverser la rue. Parce qu'il était... Ben oui. Fallait regarder. Ouais, mais c'est ça le problème. Il était habitué au trafic britannique. Ah, c'est ça. Il a regardé du mauvais bord. Il a pas vu de voiture. Oh, malaise. Il est entré dans le trafic. Et après ça, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que le chauffeur de la voiture ne soit pas blâmé pour l'accident. Donc, quand même, bonne, c'est gentil. Bonne chose. C'est Edward F. Cantanzano, le 13 décembre 1931, qui a accidentellement frappé le futur premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, pendant qu'il conduisait sa voiture. Churchill essayait de traverser la rue à New York. Et il a oublié de regarder dans la bonne direction par rapport au trafic du côté droit de la rue. C'est des choses qui arrivent. Savais-tu que les bébés naissent sans, tu sais, le genou, là, sur le genou, là? Hein? Ils naissent sans ça. Pour vrai? Ça se forme pas correctement avant que l'enfant arrive à l'âge de 3 à 5 ans. Hein? Je te jure. J'ai jamais remarqué. Ouais. Ça veut dire que si on leur pèse sur le genou, c'est mou? Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle la rotule. Ouais? Ils naissent sans rotule. Mais ouais. Comment ils sont capables de bouger les jambes d'abord? Ben, en tant que tel, la rotule fait juste protéger, j'imagine... Le bout du genou. Okay. Le reste en dessous est correct quand même, il peut bouger. Je vais aller voir. Ouais, c'est ça. Biologie. Les termites mangent du bois deux fois plus rapidement lorsqu'ils écoutent du heavy metal. Ah ouais? Ouais. Les termites. Les ornithorynques n'ont pas de tétine et ils donnent le lait à leur enfant via les pores de leur peau. Ouh! Sexy, hein? Une femme de New York a été hospitalisée quand des morceaux de la drille de son dentiste se sont logés proche de son œil. Le dentiste dansait sur la chanson Car Wash à ce moment-là. La patiente a poursuivi le dentiste pour 600 000 $. Ça ne dit pas si elle a gagné. Je déteste quand les faits sont incomplets comme ça. Ben, Boswell, les bébés naissent sans rotule. Sans rotule. Je sais pas n'importe quoi. Mais c'est bizarre parce que ça se retrouve entre deux os, fait que ça doit se... Ça se forme, ouais, éventuellement. C'est ça. Mais je me demande quand même comment ils font pour bouger les jambes. Par rapport à la femme qui a poursuivi son dentiste, on n'a pas encore le résultat de la poursuite. Et c'est présentement à la Cour fédérale. Ouais. Wow. Ensuite, un millionnaire, Michael O'Leary. Tu connais peut-être Michael O'Leary. Je crois qu'il était dans le Dragon's Den, l'émission des dragons, là, mais en anglais à CBC. J'écoute pas d'émission de dragons. Ça, je vais juste aller voir pour en être certain. Michael Kevin O'Leary. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. T'as un petit peu juste m'en assurer. Non, c'est pas le même gars que dans l'émission des dragons. Je m'excuse. Bref, un millionnaire, Michael O'Leary, qui a créé sa propre compagnie de taxi avec seulement un taxi pour pouvoir légalement utiliser la voie qui est réservée aux taxis et aux autobus. Ouais. Pas pire. C'est très cool. En 1862, Victor Hugo était en vacances lorsque Les Misérables a été publié. Il a demandé la réaction par rapport à son roman en envoyant un télégramme avec un seul caractère à son éditeur. Le télégramme disait « point d'interrogation ». L'éditeur a répondu avec un seul point d'exclamation pour indiquer le succès de son livre. Cute, hein? Un gigantesque bonhomme de neige nommé Snowzilla est créé chaque année à Anchorage, en Alaska. En 2008, la ville a essayé d'arrêter la création de Snowzilla et le matin de Noël, il y avait des bonhommes de neige avec des pancartes pour manifester devant la mairie. Cute, hein? Mm-hmm. Y a un instrument de musique qui s'appelle le cactus amplifié. Amplified Cactus. Et comme son nom le dit, c'est un cactus avec des microphones attachés dessus. Et on peut entendre le... en fait, je pense même qu'on pourrait entendre l'extrait sonore de ce cactus. Pourquoi pas? Là, évidemment, quoi? Là, il y a un micro de branché sur le cactus. À côté, il y a un xylophone. Tout ça a l'air d'être branché sur un ordinateur. Et à un moment donné, je vais juste avancer un petit peu dans la vidéo. On le voit toucher les pics du cactus. OK. Et les pics font, j'imagine, une réverbération dans le cactus qui doit avoir de l'eau en tant que tel, j'imagine, dans le cactus. C'est vrai qu'il a été nourri par son pot. Et c'est ce qu'on entend dans le micro. Et évidemment... J'imagine que ce sera le chien qui fait répéter en boucle les sons qu'il fait pour pouvoir les imbriquer, les empiler un par-dessus l'autre. C'est spécial! Ça sonne comme l'intérieur d'une grotte. Ouais, vraiment. Et, ben. Et après ça, on le voit aussi utiliser des chaudrons et des couvercles. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse de voir un homme jouer avec un cactus. Pourquoi pas? Il y a une place en plein milieu de l'océan Pacifique... Ou... Oh, oui, voilà. Oh, OK. Je suis arrivé directement au début de la chanson. Ça m'a pris par surprise. Donc, il y a une place au milieu de l'océan Pacifique où les morceaux de vaisseaux donc sont allés dans l'espace et qu'on n'a plus besoin d'eux sont déposés. On appelle ça le cimetière des vaisseaux, des engins spatiaux, Spacecraft Cemetery. C'est aussi l'endroit où l'ancienne station spatiale Mir, qui n'est plus utilisée, repose dans le milieu de l'océan Pacifique. Le tueur en série Dennis Rader, aussi connu sous le nom de BTK, le BTK Killer, des fois qu'on l'appelle, ne violait pas ses victimes parce qu'il sentait, il était certain que c'était mal de tromper sa femme. Donc, pas de viol pour lui. On revient aux enfants sourds. On a parlé en début de chronique d'enfants sourds. 50 enfants sourds du Nicaragua qui ne connaissaient pas le langage des signes ont été mis dans la même école ensemble et ils ont développé à la longue leur propre langage des signes. Les scientifiques utilisent cette classe-là pour étudier l'apparition spontanée de langage et le développement de ce langage, entre autres l'introduction de la grammaire dans le langage par moyen naturel d'enfants qui ne connaissent pas le langage des signes. Intriguant, n'est-ce pas? Très intriguant. Tu connais la devise « In God we trust » sur les billets américains? Oui, tout à fait. Pendant la guerre froide, c'est une façon... En fait, on a mis ça pour la première fois sur les billets américains pendant la guerre froide. C'est une façon d'exprimer les croyances anticommunistes des États-Unis. Donc, on a écrit « In God we trust » et c'est resté. À San José, au Costa Rica, tu as le droit de conduire seulement 6 jours par semaine selon la loi. Ah, OK. La dernière lettre ou le dernier chiffre sur ta plaque d'immatriculation correspond à ta journée où tu es banni de conduire entre le lundi et le vendredi. Mm-hmm. Eh bien, une journée dans la semaine entre le lundi et le vendredi. Tu conduis pas, tu restes chez vous. Ce serait une bonne idée. Ben voilà. C'est tout pour C'est un fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Petite pause musicale maintenant, pourquoi pas aller entendre une pièce du côté francophone pour encore une fois faire la bascule, parce qu'on aime bien ça. On s'en va entendre une pièce, je dirais... de ripper. Ah, OK. Je trouve que c'est un manque de respect de pas y jouer sinon. Manque de respect. À l'assemblage requis. Réveillante chanson, manque de respect, de ripper. On a besoin. Eh boy, oui. Oh, oui. Difficile. Au retour de la pause. Un espresso, 2 espressos, 3 espressos. Un espresso aspirine, s'il vous plaît, madame. Ah oui, s'il vous plaît. Au retour sport et filoché à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. en ce lundi 12 décembre 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est lundi, aujourd'hui on a de la misère. J'espère que vous aussi avez de la misère pour qu'on vive ça, la même situation ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Parfois. Non, de la misère des fois le lundi d'hiver comme ça, ça arrive. Ben oui, moi je blâme la température. C'est ça. On va juste faire ça, ok? On va sortir de tout. J'ai dormi genre 13 heures samedi pour récupérer de mon manque de sommeil la semaine passée. Je comprends pas comment t'as fait t'endormir hier. Vers les minuit et demi. Ah, c'est ça. Et la fin, c'est que je me suis réveillé à 4h30 cette nuit. Avec comme j'avais faim. Pourtant, j'avais commandé du restaurant le soir d'avant. Et ouais. J'ai acheté comme vraiment beaucoup de bouffe. Énormément. Et j'avais encore faim à 4h30 ce matin. Je comprends pas. Puis je me suis levé, je suis allé prendre un grand verre d'eau. C'est ça qu'il faut faire quand t'as faim la nuit. Oui, boire de l'eau. Exactement. Bref, dans quelques instants, Sport effiloché, mais avant ça, une pièce de The Darcy's. On aime beaucoup The Darcy's. On les écoute avec leur pièce dans le palmarès anglophone. C'est San Diego 1988. Ouh! Dans l'assemblage rookie. It's only San Diego 1988. And we could go all the way down to Mexico. And drive the night through, follow the interstate. There's no reason to wait, no reason to wait. I know it's the middle of the night. I know that the timing isn't right, but if we let the San Diego 1988 dans Assemblage requis. Maintenant, c'est Sport et Filoché. Habituellement en temps normal avec les sports universitaires, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de de championnat durant la fin de semaine, puisqu'on est en fin de session pour la plupart de nos athlètes. Donc, j'ai tout simplement décidé de commencer Sport et Flocher en parlant des deux équipes de hockey locales, c'est-à-dire le Blizzard de Trois-Rivières et le Climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine, donc dans la Ligue de hockey Senior A de la Mauricie et aussi la Ligue de hockey nord-américaine. Donc, vendredi soir, c'était ici à Trois-Rivières que ça se passait entre le Blizzard et Laval. Malheureusement, le Blizzard a encore une fois perdu ce match. On l'a échappé encore une fois, malheureusement, avec une marque finale de 5-2 pour Laval. Il y a eu 953 personnes en assistance. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la semaine passée, on parlait justement qu'il y avait quand même une très grande baisse en assistance. Mmh. On jouait dans les alentours de 500 à 600. Ce qui est encore plus pire que ça, mais comparé à l'habitude. Exactement. Mais là, on commence à avoir justement peut-être un petit peu plus de monde qui vient. Donc, c'est le fun de voir ça au moins. Il y a seulement Nicolas Corbeil qui a été nommé dans les 3 étoiles du match pour vendredi. Dimanche, on était sur la route et ça s'est quand même très bien passé pour l'équipe de Trois-Rivières. C'est drôle parce que cette saison-ci, ça semble toujours mieux aller sur la route que ce l'est chez nous. C'est des choses qui arrivent parfois comme ça au hockey, mais bon, que voulez-vous, on peut rien y faire malheureusement. Donc, on était du côté de Saint-Georges et on a encore une fois perdu le match. Par contre, on s'est rendu jusqu'au 7e tour de fusillade, ce qui est quand même beaucoup. Donc, on a perdu simplement par un point. La marque finale a été de 6-5. Et le prochain match local va être le 18 décembre, donc ce dimanche à 16h, ici à Trois-Rivières, contre Sorel-Tracy. Si jamais vous voulez voir quelque chose, ça pourrait être très, très bien. Ça pourrait justement commencer vos vacances des fêtes. Ben oui. On va en reparler la semaine prochaine, j'imagine. Ben oui, tout à fait. Voilà. Et du côté de la climatisation Cloutier... Non. Et non. Le considération fléchée. Considération fléchée, ouais. Oui, j'ai... Trompe-toi pas dans ces affaires. Je suis désolée, Mathieu, j'ai complètement oublié. malheureusement, on s'est incliné une des premières défaites de la saison. Ça va super bien pour la climatisation Cloutier, mais cette fin de semaine, on s'est incliné 6-3 contre les sportifs de Joliette et l'organisation désirait surtout remercier les partisans qui ont été vraiment très généreux avec les dons de Doré et les dons de Toutou. C'était la fameuse soirée Toutou et Doré non périssable pour l'équipe du Cap de la Madeleine. Donc, de ce côté-là, ça l'a super bien répondu. Les joueurs ont été très contents aussi de voir que tous les partisans avaient participé, que ce soit en amenant les Toutous ou en amenant des Dorés. Donc, encore une fois, l'équipe tenait à remercier le Climatisation Cloutier. Et si jamais vous voulez avoir toutes les informations pour le prochain match, eh bien, c'est facile. C'est sur leur page Facebook. Toujours sur la page Facebook. Toujours. Tout est là. Tout le temps est là. C'est maintenant le temps de parler. On ne parlera pas nécessairement de sport universitaire, mais on va quand même parler de certains athlètes et même certaines équipes. Parce qu'en fait, c'est la semaine dernière, donc jeudi. Jeudi, le gala Sport Hommage Mauricie Desjardins a mis en nomination. En fait, on a annoncé les nominations pour le gala qui va avoir lieu en janvier prochain. Donc, qu'est-ce que Sport Hommage Mauricie, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, qu'est-ce que c'est? Et c'est un organisme sans but lucratif. Et Sport Hommage Mauricie, ça a été créé en juin 2000. Donc, ça fait quand même déjà un bon bout de temps. Et on est dans un effort de consolidation des activités de reconnaissance et surtout du mérite sportif régional. On parle aussi du temple de la renommée sportive de la Mauricie. Donc, il y a des athlètes qui ont fait de grandes choses pour le sport en Mauricie ou pour le sport en général. Et c'est souvent le troisième samedi du mois de janvier que chaque année va se tenir habituellement le gala annuel sous forme de souper bénéfice, parce que c'est un petit peu comme ça aussi qu'on est capable de rester en vie pour certains galas. Donc, à l'occasion, Sport Hommage Mauricie va rendre hommage aux artistes et aux artisans du sport régional, mais aussi ceux qui œuvrent dans des équipes régionales. Ça veut pas nécessairement dire qu'on vient automatiquement de Trois-Rivières, mais si on est par exemple, je sais pas moi, un athlète qui va justement venir ici à l'UQTR et qu'on a de très bonnes performances, bien ça se peut très bien qu'on se retrouve en nomination comme finaliste pour Sport Hommage. Et c'est ce qui se passe du côté des athlètes masculins par excellence de niveau canadien en sport collectif. On le sait, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, il a une fiche assez remarquable, mais Guillaume Masselin est en nomination pour le Gala Sport Hommage 2016 cette année du côté du hockey, donc bien évidemment du côté des Patriotes de l'UQTR, dans la catégorie athlète masculin par excellence de niveau canadien en sport collectif. On le dit, une fiche remarquable, toujours là au bon moment, toujours une tête de leader aussi pour l'équipe des Patriotes, donc c'est comme ça qu'il a réussi à justement pouvoir se tisser une place au sein de ceux qui sont en nomination pour le Gala Sport Hommage de cette année. Et aussi, on parle d'équipe par excellence pour les Patriotes hockey. Donc, encore une fois, non seulement Guillaume Masselin va y être, mais les Patriotes de l'UQTR au hockey vont être aussi présents parce qu'ils sont finalistes du côté du Gala Sport Hommage. On ne sait pas encore s'ils vont être présents parce que ça se peut très bien qu'ils soient sur la route pour justement un match ou quoi que ce soit, mais c'est contre les Diablos en basketball féminin et contre les Cataractes de Shawinigan que l'on va pouvoir voir qui va sortir comme étant équipe par excellence cette année. J'ai hâte de voir ça. Mm-hmm. Je parlais tout à l'heure qu'on n'allait pas nécessairement parler de nos athlètes en tant que tels, mais oui, exactement. Il y a un nouveau sport qui pourrait faire son entrée aux Jeux olympiques et j'ai comme l'impression qu'il y a certains athlètes des Patriotes de l'UQTR qui peuvent être très, très contents de tout ça parce que c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas nécessairement le cheerleading, mais nous ici à l'UQTR, on a une équipe. La semaine dernière, ils ont remporté le premier championnat auquel ils ont participé. Donc, si vous imaginez probablement les forces et ce que ça demande d'être cheerleader, bien souvent c'est de la gymnastique, de la force, on lève des filles, donc de la force physique quand même très très grande. Le cheerleading, c'est un sport qui combine justement endurance et force, donc il faut savoir danser, mais il faut savoir aussi, comme je disais, faire de la gymnastique, monter des pyramides, donc c'est une activité physique qui depuis très longtemps n'est pas reconnue nécessairement comme un sport. La semaine dernière, le Comité international olympique s'est rejoint. Ils ont eu une grande discussion par rapport à si c'était un sport, à savoir aussi si on pouvait avoir une espèce de reconnaissance pour le cheerleading aux Jeux olympiques. Et on en est venu, en fait, à reconnaître provisoirement le cheerleading pour une période de 3 ans. Donc, peut-être est-ce que dans 3 ans, on pourrait voir du cheerleading aux prochains Jeux olympiques. En tout cas, c'est un sport qui, définitivement, attire beaucoup de gens, attire beaucoup d'athlètes, souvent plus d'athlètes féminines que d'athlètes masculins, mais on en voit. Nous-mêmes, ici, à l'UQTR, notre équipe est composée de plusieurs gars et plusieurs filles. Donc, de pouvoir voir un sport comme celui-là se rendre aux Olympiques, ça peut rendre justement la gymnastique à un autre niveau. J'ai bien hâte de voir, mais je suis persuadée qu'il y a plusieurs de nos athlètes ici à l'UQTR qui sont très contentes et contents de voir ça. Ben oui. Je ne sais pas encore quels vont être les critères pour pouvoir rentrer aux Jeux olympiques en cheerleading. On s'entend, c'est provisoire, mais du moment qu'ils vont sortir beaucoup plus d'informations, on va vous tenir au courant, ça c'est sûr et certain. Yay. Je parlais aussi tout à l'heure d'un sport qui est quand même assez loufoque parce que c'est pas un sport que nous, on connaît extrêmement bien. Je vous explique, en fait, j'ai eu la chance de voir un documentaire récemment sur la lutte turque ou ce qu'on peut appeler aussi la lutte à l'huile. En fait, c'est arrivé de façon très, très, très anodin que je suis tombée là-dessus. Tes fantasmes sortent au grand jour. Même pas. J'étais dans un restaurant style cage au sport. Avec, mettons, je dis ça comme ça. Avec ma mère. Puis on s'est levé les yeux. Puis les deux, on a vu des hommes, pas nécessairement tout en super bien bâtis, tous huilés, en train de se battre. C'était comme, honnêtement, c'est comme si tu disais, genre pour un gars, le fantasme de deux filles qui vont se battre soit dans la boue ou dans le jello. Ouais. C'est un peu comme la même chose, mais du côté masculin pour les femmes. Donc, on a quand même trouvé ça étrange. Et à la fin du documentaire, ça nous présentait le sport comme étant un des sports les plus étranges au monde. Ben oui, hein. Donc, c'est de la lutte turque. Et ça signifie, bien en fait, le mot turc, c'est yagligures. Je sais pas si je le dis comme faux, mais mon turc n'est pas tout à fait à point. Bonjour, hein. Donc, ça signifie la lutte à l'huile, en fait. Et c'est une lutte traditionnelle turque. C'est quelque chose qui est tout à fait normal pour eux, pour nous, un petit peu moins. Donc, les lutteurs, en fait, vont combattre torse nu. Ils vont porter simplement une culotte qui semble assez rigide aussi. On semble y mettre du fer dans le bas au niveau des mollets pour que ça reste bien agrippé à la peau parce que, bien évidemment, on va être tout huilé. Donc, c'est une culotte qui est en peau de vache, qui est huilée et qui va être serrée sous les genoux, comme je le disais. Et ils vont en fait se couvrir d'huile d'olive de la tête aux pieds. Ah, wow! Crime! Ça va être bon, ça? Oui! c'est quand même assez anodin. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est qu'ils doivent renverser leur adversaire en passant la main sous la ceinture son adversaire. Oui, exactement. Puis, ils doivent le maintenir tête en bas et jambes en l'air à la verticale pendant quelques secondes. Ils le mettent sur une brochette 375 degrés pendant quelques heures. Ça fait un michoui. Ça fait un beau petit michoui. Donc, en fait, s'il y a un des combattants qui déchire sa culotte, il va être disqualifié automatiquement. Donc, la culotte est importante dans l'histoire. Oui, okay. Lorsqu'on écoute le documentaire, en fait, on se rend compte que c'est pas mal par la culotte que ça se passe, cette espèce de combat-là. Parce que si t'as pas une bonne grippe sur cette fameuse culotte en peau de vache-là, tu peux pas la gripper nulle part ailleurs. C'est huilé. Tu sais, tu peux. C'est vraiment. J'ai dit tantôt. Tu peux pas le prendre par les cheveux puis le tirer à terre, là. J'ai fait une blague de petit cochon graisseux tantôt. Oui. Mais c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Puis en fait, les combats vont se dérouler sur la terre sèche ou encore l'herbe. Donc, t'imagines à quel point t'es tout collé après ça. Et autrefois, le vainqueur recevait un mouton comme prix, comme prix de sa vaillance. Et le tournoi, en fait, de Kirkpinner, ça a lieu à chaque année dans la ville d'Edirne depuis le 16e siècle. Et c'est la plus grande compétition du pays. Ça peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Et la saison des tournois les plus importants, c'est d'avril à septembre. Donc, ça vient de se terminer, là. Ça fait pas super longtemps. Et les sommes en jeu sont quand même très, très grandes. Il y a des gars qui participent à ça pour avoir l'honneur d'être un combattant turc comme ça à l'huile. Mais il y en a aussi qui, avec le chèque, vont pouvoir se payer des études. Peu importe, là, comme n'importe quel sport, lorsque tu reçois une bourse, tu peux souvent faire ce que tu veux de l'argent. Donc, c'est un festival de lutte qui a été inscrit dans les plus gros festivals. Et c'est le sport également qui est développé dans les années 2000 aux Pays-Bas et au Japon. C'est de plus en plus développé ailleurs dans le monde. C'est un festival qui a été inscrit et un sport qui a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2010. Quand même, c'est pas rien. Et les lutteurs sont appelés des Bellyvans, ce qui signifie en fait des héros. Donc, c'est souvent pour ça qu'on va participer, parce que la plupart du temps, ça va se transmettre de père en fils, par exemple. Et on va vouloir justement conserver ce titre de héros-là dans la famille. Et c'est ce que j'ai trouvé quand même assez surprenant. C'est que lorsqu'on regarde le documentaire, on se base surtout sur un gars en particulier et deux autres gars qui espéraient y arriver. Et il y en a un qui est énorme. On dirait qu'il n'y a comme pas de poids requis ou quoi que ce soit. C'est vraiment, toi, tu vas te battre contre lui. Puis, tu sais, comme des gladiateurs dans le temps. Il n'y a pas de classe, peut-être. Il n'y a pas de classe, exactement. Il n'y a pas de catégorie. C'est, tu veux être le champion, ben vas-y, sois champion. Sauf que ça se peut que tu te fasses virer en 3 secondes et demie. Mais ça fait partie, en fait, de leur culture populaire là-bas. En Turquie, il y a plusieurs personnages de jeux vidéo qui vont être amenés, en fait, à faire cette lutte-là ou à être basés un petit peu sur le style de personnages que sont les gars qui vont participer à la lutte turque. Et je vous parlais du festival de lutte à l'huile de Kirkpinner. Pinard, voilà, parce que, tiens, on l'a dit tantôt, mon turc n'est pas super à point. Ça a été, comme je disais, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel. Donc, c'est vraiment gros là-bas. C'est un festival qui se déroule, comme je l'ai dit, à Erdin. Il y a des milliers de personnes de différentes classes, d'âge, de culture et de région qui vont se déplacer pour aller voir s'affronter, justement, les lutteurs, en fait, qui sont en quête de la ceinture d'or. On s'entend, on reçoit une ceinture d'or. C'est très, très gros, le titre aussi de héros en chef. C'est emblématique pour eux. Donc, chaque festival est lancé par son patron qui est l'aga de Kirkpinner. Et c'est aussi lors d'une cérémonie où se produisent 40 ensembles de joueurs de davul. C'est des grosses caisses, un petit peu comme un comment je pourrais dire, je veux pas dire un drum, mais tu sais, dans une fanfare, t'as souvent les gars qui vont jouer de la grosse caisse. Ouais. C'est un petit peu semblable à ça. On va aussi jouer de la flûte et la ceinture d'or va être portée à travers la ville au cours d'un long processus et d'une procession qui va être suivie par des prières récitées à la mosquée, qu'il va y avoir aussi les tournois de lutte qui vont commencer. Mais ils ont lieu traditionnellement, comme je l'ai dit, sur un champ de bataille qu'on appelle, qui est souvent en terre ou en herbe, ou les deux. Dans un wok. Oh, ça serait pas pire. Tant qu'à être huilé, ben oui. Et le maître de cérémonie va présenter, en fait, les Pill Events au public en clamant envers leur nom, leur titre, leur exploit. Ils sont reconnus pour ça et la plupart vont passer une bonne partie de l'année à s'entraîner pour pouvoir arriver à ce championnat-là, à ce tournoi-là, et espérer devenir le héros en chef. Donc ensuite, les huileurs vont aider les lutteurs à justement s'enduire d'huile parce que tu peux pas vraiment te huiler tout seul. Là. Il y a beaucoup d'huile, OK? T'es trempé. Après ça, tu te mets dans les noix. Après ça, tu te mets dans du chocolat noir. T'as-tu compris? Ouais. On va assister aussi aux porteurs de serviettes. Donc avant les exercices d'échauffement, on va avoir les aides huileurs qui vont justement avoir des serviettes pour après le combat. On va avoir aussi des exercices d'échauffement, le salut, ce qui ressemble aussi un petit peu à un salut de judo, ce que j'ai pu remarquer. Les lutteurs vont porter ce qu'on appelle le kispette. Tout à l'heure, je vous parlais de la culotte. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le kispette. C'est le pantalon qui est épais, en peau de vache, qui est taillé justement dans la peau ou dans la peau de buffle. Okay. Et ça va être très, très résistant. Et c'est souvent, comme je le disais, par là qu'on va pouvoir avoir la seule grippe sur le compétiteur pour pouvoir arriver à faire quelque chose sur lui et le virer de bord. Wow! C'est fou! C'est pas plus fou que d'autres sports, là, mais... Non, mais c'est assez agressif. T'sais, sumo, c'est pas mieux, là, on va se le dire. Ouais, des grosses couches. Mais ils sont pas huilés. Non, mais c'est pas des grosses couches. C'est vraiment l'aspect huilé qui fait en sorte que t'es comme... Oh! C'est très genre, tu t'attends s'il y a de la petite musique de porn derrière. Ouais, mettons, mais non, c'est plus du gladiator. Ouais, c'est spécial. C'est très spécial. Eh ben, merci, Tania. Ça fait plaisir. Étrange. On apprend des choses. Ben oui. Ah, on va aller entendre, tiens, les Delaware Chuck avec Désastre. Désastre. Désastre. Écoute. Ben, c'est ça. On peut pas tout avoir. On va rien inventer de plus. Hein. C'est ça. Long, long et long et long. Parlant de long, C'était les Delaware Chuck, donc ça c'est très cool avec la pièce Désastre. Mais par de long, nous on continue pour une autre demi-heure au retour avec Son Foutu Palmarès. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage requis en ce lundi 12 décembre 2016. Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oui. Il nous reste quand même une demi-heure à faire. Oui. Je pense que ça devrait être bon pour la remplir. Tout à fait. J'ai quelques petits trucs s'il faut, mais sinon, c'est à ton tour. Encore. Mm-hmm. Tu viens juste de faire Sport et Filoché. Oui. On a dit ping-pong, mais c'est comme ping, puis après ça, pong. Pong. C'est pas ping-pong, ping-pong. Ping. C'est ça. C'est ça. Bref, Tania is gonna entertain ya. Ah, ça me tente pas de chanter. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. I'm just gonna entertain ya. She's gonna entertain. Est-ce que tu nous parles des films que t'as écoutés en fin de semaine, genre tous les films cheesy de Noël? Eh, hey, même pas! Même pas, parce que je veux pas nécessairement le dire à toute la population. Ah, excuse-moi, Tania! Ben non, écoute, les meilleurs films de Noël sont les films de la chaîne Hallmark Movies. Les mêmes que les cartes, là. Mêmes que les cartes. Ouais. C'est merveilleux. Puis là, ils ont sorti les 2016, v'là pas long, et ils sont trouvables y en a sur plusieurs. Internet. Les regarde. 2016, ils en font pas un par année? Non. C'est Countdown to Christmas. Ah, OK. Il y en a exactement 30, si je me souviens bien. Wow! Ça commence à Thanksgiving, puis après ça, on s'en va vers Noël. C'est incroyable. C'est merveilleux. Je suis la fille la plus heureuse au monde. Ils sont tous sur Internet, c'est ça? Exactement. Tous? Ben, presque tous, ouais. Parce qu'en fait, ça dépend de quand ils sortent. Là, ouais. Parce que ce soir, il y en a un, demain soir, il y en a un autre. Donc, selon la date, vous pouvez aller voir. Et ben. Voilà. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, non, c'est parce qu'en fin de semaine, j'ai fait un petit peu mon côté un peu plus geek, Mathieu. Okay. J'ai découvert certaines choses qui m'ont allumé. J'ai tout simplement le goût de vous les partager. Et il neige vraiment c'est fou, à la tonne présentement, excusez. C'est fun de faire la radio avec de la neige, oui. Même, je vous mets vraiment dedans. Oui, vraiment. Donc, en fait, je sais pas si tu sais qui est Bowen Slath. Non du tout. C'est un jeune garçon que j'ai découvert en fin de semaine. Il n'est pas ici, il vient pas d'ici, donc j'ai malheureusement il est pas... Il n'est pas avec nous en studio, c'est mettons. C'est ça, là. J'ai pas pu parler avec lui, je peux pas l'interviewer, malheureusement. Bowen Slath, en fait, c'est un jeune homme de 22 ans qui vient des Pays-Bas, qui a étudié à l'Université de technologie de Delft. Et c'est un écologiste néerlandais et étudiant en ingénierie aéronautique. Wow! Oh oui! À 22 ans. Il a fait des choses. C'est pas un dirt pick, laissez-moi vous le dire. Mm. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, lui, ce gars-là, pour que je puisse vous en parler aujourd'hui à la radio? Bien, en fait, j'ai découvert une petite vidéo qui le présentait, surtout pour son projet The Ocean Cleanup. Donc, qu'est-ce que The Ocean Cleanup? C'est un projet, justement, qui vise à nettoyer les océans et notamment le vortex de déchets du Pacifique Nord. Là. Donc, lui, à 22 ans... Rien que ça, ah oui. Il a décidé de faire ça. Mais il n'a pas simplement commencé à 22 ans. Il a surtout commencé avant. Donc, pour mener à bien son projet, Bowen Slath a créé justement la Ocean Cleanup Foundation. C'est un principe de nettoyage des océans et du déplacement de barrières flottantes en formant un V d'une profondeur de 3 mètres. Et les barrières vont... en fait, les barrières sont en plastique. Et ils vont retenir... les barrières vont retenir le plastique, mais les barrières sont surtout en matériel gonflant. Donc, ça vient pas polluer. Et les barrières vont justement retenir le plastique et les autres objets qui sont à la dérive. Mmh. Et ça va les conduire sur une plateforme d'extraction. À ce moment-là, cette plateforme-là va fonctionner à l'énergie solaire et va récupérer les matières en vue de leur évacuation et leur recyclage. Ah! C'est une bonne chose, ben oui. C'est tout à fait bright. Wow. Le projet a en fait été popularisé par la participation à une conférence TED, le style de conférence dont on entend de plus en plus parler, qui justement met de l'avant les jeunes qui ont plusieurs projets et qui ont de l'entrepreneuriat assez développé, mm-hmm. Merci. Qui innovent. Exactement. Donc, ça avait été présenté dans la conférence « How the oceans can clean themselves ». Donc, comment est-ce que les océans peuvent se nettoyer eux-mêmes? Et comme les océans peuvent pas nécessairement se nettoyer eux-mêmes, là, on s'entend. Il faut les aider un petit peu. Il faut les aider un petit peu. Et tout ça, ça a commencé en 2012. Donc, en 2012, il y avait 18 ans. Oui. Il a pensé à ça, lui. Tu sais, il pensait... Moi, 18 ans, j'étais au D'Artagnan. Ouais, bon. On peut tous penser à des trucs comme ça à 18 ans, mais de l'exécuter, exactement, là, c'est autre chose. C'est quelque chose. Ouais. Donc, on a gagné en... Au D'Artagnan. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais il fallait gagner surtout en notoriété, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Le projet est passé dans une phase de pré-réalisation à un financement participatif, oui, merci, de 2 millions de dollars, quand même, c'est pas rien non plus. Mais on a réussi à faire tout ça. En juin 2015, Boyan Salt, qui était âgé de 21 ans, a entrepris sa fondation pour une première expérience à grande échelle de nettoyage des océans en collaboration avec les autorités de l'île de Tsushima, qui est située entre le Japon et la Corée du Sud. Donc, c'est là que s'est située la première expérience à grande échelle, de pouvoir l'essayer justement sur Terre connu. Et ça a été très bien reçu. Il y a une étude de faisabilité qui a débuté en juin 2015, dont les résultats sont attendus pour février 2016, qui lançait à ce moment-là l'installation justement du barrage flottant de 2 km de long au large de l'île. L'objectif du projet, en fait, était la récupération des déchets flottants et ensuite le recyclage des matières de ces fameux produits ou de ces fameux déchets flottants-là. Et c'est quelque chose qui a été très bien fait. Le démarrage effectif du projet a été attendu jusqu'à juin 2016. Ça a débuté. On est en train de le faire. On a de bons résultats jusqu'à présent. On a quand même eu des récompenses par rapport à tout ça. Déjà, en novembre 2014, Boyan Salt s'est vu décerner le prix de Champions of the Art dans la catégorie inspiration et action. Donc, dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est pas rien. C'est un jeune homme que j'ai décidé de suivre sur Facebook maintenant parce que je pense que plus tu t'entoures de monde comme ça, mieux tu peux te sentir. C'est vrai. Tu sais, tu te dis, bon, OK, je vais sortir mon recyclage. Parce qu'on passe, non, pas jusque-là quand même. Non. Du compost, ça pue. C'est dégueulasse, ouais, je sais. Ça passe dehors. Ça. J'ai encore un petit peu trop de difficultés avec le compost pour arriver à faire ça. Mais quand même, il faut parler du projet Ocean Cleanup un petit peu plus. Pardon, donc le projet est né simplement d'un simple croquis qui a été dessiné sur une serviette en papier. Wow. Dans une conversation entre deux amis à l'université, et Boyan Slot était alors âgé de 17 ans. Donc, après avoir fait de la plongée sous-marine lors de vacances en Grèce, sous l'eau, il a vu beaucoup de plastique et beaucoup moins de poissons que ce qu'il espérait, en fait. Et c'est ce qu'il a expliqué. Et aujourd'hui, c'est le rêve du jeune néerlandais qui commence à prendre forme de plus en plus. Et on parle de débarrasser les océans de leurs déchets plastiques et de pouvoir justement avoir le premier prototype de barrière flottante qui est arrivé comme ça sur l'île de Tsushima, qui fait en sorte que le rêve est en train de se réaliser au plus haut point. On s'entend... L'entreprise souhaite mettre à l'eau une barrière de 100 km de long à l'horizon d'ici 2020 au cœur du Pacifique. Ah, yoï. C'est hot. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, le prototype lui-même n'est pas encore à l'état encore de pouvoir se lancer au cœur du Pacifique. On est en train de le travailler. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre l'île de Tsushima comme un modèle réduit un petit peu plus. On parle de modèle à grande échelle, mais on parle de modèle réduit quand même pour voir les effectifs de tout ça, voir à quel point est-ce qu'on peut justement mettre cette barrière-là au cœur du Pacifique, espérer avoir de grands résultats. Donc, on espère, en fait, pour lui, que ça va fonctionner. Puis tout simplement pour les océans en tant que tels, là, on s'entend. C'est un exemple qui est assez inspirant. C'est un exemple aussi de succès. On s'entend, c'est un success story dont on parle pour l'adolescent qui séduit quand même les investisseurs. C'est des investisseurs privés qui ont décidé d'investir dans tout ça. Donc, le 1,5 million d'euros qui a été nécessaire à la construction du prototype a été en grande partie couvert, entre autres, par le gouvernement néerlandais pour justement mettre du côté de de l'écologie, mais aussi par des groupes spécialisés dans les services maritimes, des organismes, des gens qui étaient intéressés par ce projet-là. Donc, Ocean Cleanup, c'est un exemple qui est inspirant de la manière dont on peut attaquer aux problèmes croissants de la population des eaux. Et c'est ce que disait justement le ministre de l'Environnement de... Néerlandais. Ouais. Oui, néerlandais. Donc, il disait lui-même qu'avec l'aide du gouvernement, le prototype de ce jeune garçon-là va se révéler comme étant une solution efficace pour nettoyer beaucoup de terrain d'eau. C'est pas nécessairement juste les océans. On peut prendre ce modèle-là et le transférer ailleurs aussi, que ce soit les fleuves, tu sais, le fleuve Saint-Laurent, là. Mettons, là, tu sais, quand tu vois que c'est plus brun que... Vert, tu sais, genre... Mais quand même, il y a des scientifiques qui se montrent sceptiques à tout ça, parce que dès le départ, l'équipe d'Edward Carpenter, le premier à avoir alerté la population sur le problème du plastique dans les gires, c'est lui-même interrogé sur la faisabilité du projet, en fait. Il dit que s'il arrive le moins de problèmes sur le barrage flottant, il va falloir envoyer un bateau sur place à 3000 km pour faire la réparation. Et il dit aussi que, selon le chercheur français, le jeune néerlandais occulte aussi plusieurs questions, donc notamment de la pollution en mer Méditerranée ou le golfe de Bengale, où les concentrations en microparticules plastiques sont plus importantes que ce que l'on croit. Et au final, lui, il dit que des mesures comme l'interdiction des sacs de plastique devraient entrer en vigueur beaucoup plus rapidement que ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à faire une différence. Mais quand même... la Méditerranée, ça contient la densité de plastique la plus importante au monde. Il s'est donné comme mission de faire un changement de ce côté-là et ça se passe très bien jusqu'à présent. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Comment veux-tu pas souhaiter la meilleure des chances à tout ça? Moi, l'autre rabat-joie, là. Oui, hein, moi aussi, je le trouve plate en mots. Il s'est dit, j'aurais dû y penser avant. C'est juste parce qu'il est jaloux et qu'il n'a pas fait 2 ans. C'est ça. Mais j'ai aussi fait mon côté geek du côté de Google, Mathieu. OK, comment ça? OK, oui. En fait, c'est un article que j'ai vu hier soir. Je m'en allais me coucher. Je lisais la presse. Puis je lisais aussi Huffington Post. C'est le New York Times. Et je suis tombée sur un article qui disait que Google souhaite tourner à 100% grâce aux énergies renouvelables dès 2017. Oui, exactement. Donc, on s'entend que Google, ça a une dizaine de data centers, donc des centres de data. De données, merci, à travers le monde. Et c'est des services utilisés par des milliards d'individus. Donc, Google consomme à lui-même 5,7 terawatts par heure, par année, soit presque autant que la ville de San Francisco qui contient 850 000 habitants. Et pourtant, le géant de Mountain View s'engage à présenter un bilan carbone neutre depuis bientôt 10 ans. Donc, on travaille justement à pouvoir arriver à des résultats qui vont être quand même assez verts, merci. Et ils sont fiers de leurs résultats. En fait, la firme entend bien poursuivre dans cette direction-là et s'engage dès 2017 à acheter suffisamment d'énergie issue des sources renouvelables, donc c'est-à-dire solaire et éolienne, pour justement couvrir la totalité de leurs besoins. Si on parle, par exemple... des énergies renouvelables dans ceux qui en ont le plus acheté durant la dernière année, bien Google gagne tout. On s'entend, là, on gagne devant Amazon, on gagne devant le département de la défense des États-Unis, on gagne devant Microsoft, on gagne devant Facebook qui lui en a zéro en passant, on gagne devant Walmart, on gagne devant Equinox, on gagne aussi devant Mars, on gagne devant Apple. Oh! Ih, fait mal. C'est difficile, hein? Ouais. Apple est surtout sur le côté solaire, tandis que Google a une bonne partie de solaire, mais on y va aussi du côté du vent, les éoliennes, tout ça. Ça, c'est leur force. C'est là qu'on est allé chercher le plus grand côté de sources renouvelables pour justement nos centres de data. Donc, bien que leur infrastructure soit toujours raccordée au réseau classique, là, on s'entend les centrales nucléaires à charbon, des fournisseurs d'électricité traditionnels, Google assure désormais que l'intégralité des consommations énergétiques virtuellement propres, là, comme on appelle, là, entre guillemets, autrement dit, ils vont acheter en continu à une vingtaine de producteurs d'énergie éolienne et solaire l'équivalent de la consommation électrique pour une puissance cumulée permanente, attention, de 2,6 gigawatts qui devrait en faire le plus gros acheteur au monde d'énergie renouvelable. C'est immense. Si jamais vous allez sur Google... comment t'appeler ça? Google? Google. Si jamais vous allez sur Google et vous tapez énergie renouvelable, vous allez arriver sur la page de Google donne son centre de données sur l'énergie renouvelable. Et c'est assez cool, merci, parce qu'en fait, ils disent qu'ils encouragent le recours à l'énergie propre pour un avenir meilleur. Donc, chez Google, ils utilisent actuellement une énergie renouvelable pour alimenter plus de 30 % de leur opération, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup plus que la plupart des gens qui ont un centre de données comme ça. Et ils favorisent aussi l'utilisation des énergies renouvelables à l'échelon local. Donc, ils ont acheté de l'énergie renouvelable produite à partir d'éoliennes, mais aussi une nouvelle énergie propre à proximité des centres de données et des communautés qui les entourent. Donc, on ne va pas nécessairement aller chercher cette énergie renouvelable-là super loin. Non, non, non, on y va directement où est-ce qu'on met notre centre de données. Et grâce aux contrats de rachat d'énergie, qui sont des contrats quand même à long terme, on parle généralement de 20 à 25 ans, si c'est... même pas plus. Donc, on peut trouver le moyen d'acheter de l'énergie propre à un producteur particulier. Ce qu'on voit peut-être beaucoup moins ici que du côté des États-Unis, j'ai l'impression que ça se fait pas mal plus dans le sud des États-Unis, mais ici, c'est pas quelque chose que l'on voit nécessairement encore. Et quand ils signent un contrat de rachat d'énergie, eh bien, ils choisissent des projets qui ajoutent de nouvelles sources d'énergie renouvelable sur le marché. Donc, ils font une espèce de cercle avec tout ça et ils engagent aussi fortement auprès des développeurs. Donc, ils aident à réunir l'argent dont ils ont besoin pour financer des nouvelles installations d'énergie propre. En échange, ils achètent l'énergie propre à des prix compétitifs. On s'entend, il y a tout le temps une bonne entente là-dessus. Et ils vont aussi de certificats d'énergie renouvelable, donc ce qu'on appelle le CER, ce qui permet de réduire leur empreinte carbone selon le gouvernement. Et ensemble, ils vont pouvoir redonner le réseau électrique un peu plus écologique à la population en se disant que lorsque tu fais ta recherche, bien, c'est entièrement renouvelable. C'est cool, c'est très cool. Mais ça. Donc, je ne sais pas si tu voulais savoir comment fonctionne un contrat de rachat d'énergie, mais c'est tout simple. En fait, ils vont acheter de l'énergie à un développeur de projet d'énergie renouvelable. Par la suite, ils revendent ensuite cette énergie-là au réseau à un prix beaucoup plus gros et ils vont appliquer les CER à l'énergie non renouvelable, donc par exemple l'énergie fossile, l'énergie nucléaire qui va être utilisée dans leur centre de données pour justement pouvoir faire un changement petit à petit. Et c'est comme ça qu'on pense que dès 2017, on va pouvoir arriver à être à 100% de nos capacités simplement en énergie renouvelable. C'est bon de voir grand comme ça. Ok, oui. Voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Fascinant. Bien sûr, on parle d'environnement, de trucs qui nous amènent vers un chemin plus vert. Oui, voilà. Voilà, voilà, voilà. Justement, si ça va peut-être nous mener vers un pays plus... je sais pas, j'essaie d'amener ça vers quelque chose de plus vert, de plus beau, de plus ensoleillé, comme genre... Genre pas notre météo. Non, mettons, comme Hawaï, voici Monomete Aloha. Ouh! Semblage requis. We'll be right back. Smith et Aloha, assemblage requis. Avant de continuer, Tania, breaking news, ça vient tout juste de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. En fait, c'est un article du Devoir que je viens de trouver sur la plateforme géniale qui est Facebook. Je ne sais pas si tu connais le géant Bulkburn. Ben oui, le magasin du vrac. Exactement, où tu peux acheter vraiment pas mal n'importe quoi. On s'entend, des amandes, des noix, du chocolat, tout ce que vous voudrez. En fait, la plupart du temps, va se retrouver chez Bulkburn. À de très bas prix. Non, exactement. C'est pas une publicité. Non, mais en fait, on a décidé de céder sous la pression des consommateurs. On venait de parler de Google qui parle d'énergie renouvelable. On a parler aussi du jeune garçon qui veut enlever le plastique des océans, eh bien, Bulkburn se lance dans une quête à zéro déchet. Donc, on parle du géant canadien de l'alimentation en vrac qui va permettre aux clients d'utiliser leurs propres contenants. Ah, donc, c'est bon. on a été pressés par la demande qui était vraiment grandissante des clients qui étaient séduits, en fait, par le mouvement zéro déchet de l'entreprise Bulkburn. Et on a fait un pas de plus, justement, pour l'environnement. Donc, on s'inspire des épiceries de quartier qui tentent de réduire leur volume de déchets, ce qui est la plus grande chaîne d'alimentation en vrac au Canada. Et ça permet désormais à sa clientèle d'utiliser ses propres contenants en magasin. C'est un projet pilote d'une durée d'un mois qui a été lancé le 8 décembre dans 10 succursales au Québec. On compte actuellement une trentaine de succursales partout au Québec, donc assurez-vous que vous faites amener votre propre contenant dans votre ville. Ici, je ne sais pas encore, mais on va permettre de sonder l'accueil des consommateurs et d'analyser surtout l'organisation que ça va nécessiter. Donc, le programme va être ensuite introduit dans tous les magasins du pays durant le mois de janvier. Malade. Pour vrai, ce n'est pas une super grosse difficulté pour eux de simplement peser le bol avant puis peser le bol après puis faire une petite différence. Non, exactement. On parle aussi d'un enjeu de propriété qui était au cœur des questionnements par rapport à la chaîne ontarienne. Il fallait former les employés pour qu'ils puissent inspecter les récipients des clients. Ils devaient penser à la façon de communiquer avec eux sans les froisser, si les pots étaient sales, par exemple. Ils n'étaient pas là pour les nettoyer, c'était leur responsabilité, mais on voulait éviter les contaminations. Ben oui, parce que les gens peuvent juste prendre leur bol puis aller dans le bac, c'est pas bon. On veut exactement. Donc, le directeur général québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, a minimisé toutefois les inquiétudes de Bulkburn. Donc, à ses yeux, le problème vient pas du contenant, mais des pelles qui sont utilisées. Et les pots ne touchent jamais les condiments. Par contre, les clients sont en contact avec les cuillères. Donc, on touche la poignée, on la remet dans le bac de noix ou de raisin, peu importe. Donc, pour éviter toute contamination, les pelles de Bulkburn se retrouvent justement dans un compartiment séparé des bacs d'aliments. Donc, on le met là et on la laisse pas dans les aliments, tout simplement. Et on encourage surtout les clients à utiliser leur peau réutilisable si ça rentre partout. On espère d'ici janvier à ce que ça devienne quelque chose qui va être partout au Canada. Génial! Très bonne idée. C'est mais c'est ça, j'avoue que moi aussi, je trouve ça un petit peu dégueulasse, les gens qui touchent à la cuillère. Ouais. Mais avoue, c'est le fun parce que ton pot maçon, c'est ton pot maçon. Oui, exactement. Non, ça, je suis d'accord. Bref, merci, Daniel. Fait plaisir. On a quelques instants avant de terminer l'émission et tantôt, j'ai dit que je ferais un petit sur Foutu Palmarès, donc en voici un dernier pour terminer. Presque terminé l'émission à cause de l'intro qui dure beaucoup trop longtemps. Donc, on va y aller avec la liste de 12 sandwichs vintage que vous pouvez vous faire aujourd'hui même. Le sandwich, on aime tout ça. Un classique, bien sûr. La formule est ouverte et libre d'interprétation. Habituellement, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. Mais donc, il y a le livre qui s'appelle The Up-to-Date Sandwich Book 400 Ways to Make a Sandwich qui nous sépare les sandwichs en différentes catégories. Poisson, œufs, salade, viande, fromage, noix et sucré. Peu importe ce que vous aimez, donc on va faire une petite sélection rapide. Pour commencer, un sandwich aux pommes et aux raisins. Un sandwich peut être une collation, un dessert, une salade qu'on mange avec les mains. Ce plat-là est un exemple de tout ça en même temps. On commence en tranchant, en faisant des cubes ou des... on va chopper une pomme, céleri et des raisins blancs. Et on va mettre tout ça ensemble avec de la vinaigrette française. Et on va tartiner ça sur des tranches de pain beurré pour faire votre propre sandwich pommes et raisins. Sandwich aux huîtres. Ouais, c'est un peu bizarre. Garni avec de l'huile, du jus de citron et de la sauce tabasco. On mélange ces ingrédients ensemble avec des huîtres finement hachées. Et on sert ça sur une tranche de pain tranchée très mince en ajoutant une feuille de lait dessus pour un petit peu de croustillant additionnel. Ensuite, on appelle ça le Hot Ham No. 2. C'est donc un sandwich au jambon chaud qui nous rappelle un Monte Cristo. Je connais pas le Monte Cristo, mais c'est pas grave. On va donc mettre du jambon, de l'émincé de jambon sur un pain au beurre. On va assembler le sandwich et couper ça en triangle. Et on va tremper les pointes de sandwich dans un mélange d'œufs, d'œufs battus, de lait et de sel. Et on va faire cuire ça sur une plaque chaude. Et une fois que les sandwichs vont avoir été faits à la pain doré, on va servir ça avec une tranche de tomate rôtie. Miam. Sandwich au citron ensuite. Pourquoi pas, c'est rare les sandwichs qui ont du citron comme ingrédient principal, donc on va enlever bien sûr l'extérieur du citron, là, sa pelure, et on va mettre du sucre en poudre, et on va mettre ça entre des tranches de pain beurré qui ont été coupées en cercles, avec une petite cerise sucrée sur le dessus pour aider à réduire le côté un petit peu amer, est-ce qu'on dit ça? Amer, mm-hmm. Du citron. Ensuite, acidulé, je pense voilà. Que c'est ça le ouais. Terme. Ensuite, un sandwich laitier. Simple recette qui vous demande donc de mettre du beurre bien frais sur des tranches de fromage suisse et de presser ça ensemble. On mentionne pas le pain, donc vraiment, on suggère que le beurre va être mis entre deux tranches de fromage. Oh! Étrange. Ensuite, sandwich au homard et au caviar. Les sandwichs sont pas associés souvent avec de la grande classe, mais des ingrédients luxueux comme du homard et du caviar entre deux tranches de pain, ça peut faire classe. Donc, on va mettre du caviar sur du pain légèrement beurré et ajouter un petit peu de jus de citron. On va ensuite mettre une cuillerée de viande de homard sur le dessus et couvrir ça avec une deuxième tranche de pain. On va servir ça sur de la laitue aussi. C'est ça? Ouais, sur une tranche de laitue. Pas une tranche, mais une feuille de laitue, voilà. Idéalement à la plage ou avec du vin. Ensuite, sandwich olive et noix. Contrairement à du beurre d'arachide et de la confiture, l'olive et la noix n'ont jamais été aussi populaires que les autres. Mais cette recette-là demande donc à construire un sandwich avec des olives qui sont hachées avec des noix anglaises. On combine ça avec des ingrédients comme de la mayonnaise. On sert ça sur un pain beurré et ça donne un sandwich rempli de textures différentes. Miam! Ensuite, le sandwich du fermier. Côtelettes de porc et sauce aux pommes, qu'on voit souvent dans une assiette, mais ici, on les met dans un sandwich. On prend donc du porc rôti, tranché finement et servi froid sur du pain blanc avec de la sauce aux pommes pour garniture. Et on ajoute une deuxième tranche de pain ensuite sur le dessus. Ensuite, tomates et réfort. Une autre combinaison curieuse. Pour assembler ce sandwich-là, on commence avec des tranches de tomates minces avec du sel. On combine ça avec une demi-tasse de réfort, du horseradish qu'on appelle, et deux cuillerées à table de mayonnaise. On met ça sur du pain beurré. On place les tranches de tomates entre le pain et on savoure ça tout en vidant, bien sûr, votre cavité nasale. Ensuite, du foie et du bacon. Non. Ouais, si vous n'êtes pas fan de foie, peut-être que l'addition du bacon pourrait changer votre perspective, nous dit l'article. Vous prenez du foie bien cuit, vous hachez ça avec des morceaux de bacon. Vous assaisonnez avec du sel, du poivre, du ketchup, une feuille de laitue entre deux biscuits Graham ou du pain blanc. Ensuite, sandwich de Pâques, que vous aimiez Pâques ou pas, que vous vouliez le faire à Pâques ou pas, c'est une recette qu'on garde pour les occasions spéciales. On trempe une feuille de laitue croustillante dans la mayonnaise et on met ça sur une tranche de pain blanc beurré. On remplit la laitue de tranches de fromage cuit dur et on ajoute du sel et du poivre. On coupe le sandwich en carré et on met ça avec un... c'est quoi ça? Ouais, et c'est ça. Ça fait un petit, une petite collation adorable pour vos invités. On dirait ça un ruban de lavender baby ribbon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est de la lavande. Ah, oui. En petite portion. Et puis, il faut enlever le ruban de lavande après, quand on arrive pour le manger. Voilà. Et finalement, On parle d'un sandwich rétro un peu. On mélange de la gélatine et de la viande pour créer. Arc. Ouais, pour créer une espèce de jello de viande. Non, je refuse. On trempe 2 onces de gélatine dans une tasse de bouillon de poulet jusqu'à ce que ce soit tout doux. Et après ça, on va verser c'est ça, attends un petit peu. 3 tasses de bouillon de poulet assaisonné avec des clous de girofle, du persil, du céleri. Du sel et du poivre. Après ça, on va passer ça au tamis. Et puis, on va mettre ça au réfrigéré. La gélatine va prendre. On va faire des petites formes mignonnes.